Oui. T'es-tu prêt? Faut pas payer. Est-ce que la foule est prête ici? Alors, mesdames et messieurs, pour une autre fois ce soir, je vous demande d'accueillir le seul, l'unique, le créateur de tout ce qui est absurde en côté musique, Dr. V. Je pensais qu'elle allait dire ton nom, mec. Alors, mesdames et messieurs, nous aurions encore un peu besoin de vous pour faire un atelier d'improvisation sur une toune qui n'est pas encore complète et qu'on aurait besoin de vos idées, mettons, surtout le gros lard qui est là devant en pétaine. Je vous demanderais du pitcher de la bière goutte par goutte. Attends, on fait rien que tremper ses doigts. Puis on... T'aimes-tu ça? C'est la première fois. Okay. On sait pas. Avec mon gros doigt. Avec mon gros doigt. Fait que là, on va faire une chanson sur mon gros doigt. Ben, le tien ou n'importe qui, là. Le gros doigt. Le. J'ai foiré des babites avec mon gros doigt. Ok, vous comprenez le concept, mesdames et messieurs, on recommence. Ouais, c'est comme une toune militaire. J'ai foiré des babites. Ah! Des papillons de nuit. Une tempête de vin d'eau. C'est comme ça que je le nettoie. C'est mon gros doigt. Qu'est-ce qu'il y a même pas de Nico pour la guitare, je pense à ça. Personne ne me l'a dit, hein? Merci, les amis, merci, merci. On était occupés à t'écouter. Okay, on va la refaire, OK? Ouais, gros doigt. Une tempête d'un verre d'eau! Avec mon gros doigt! C'est comme ça je le nettoie. C'est mon gros doigt. J'ai 10 petits doigts. Mais un gros doigt. C'est comme ça je le nettoie. Ça prend de l'improvisation, là! Hey, mon gros doigt! Mais fais ta job! Je me fais couper les cheveux! Attends, on recommence! Je me fais couper les cheveux! Par mon gros doigt! C'est Caroline! Avec mon gros doigt! Elle a un salon de coiffeur pour animaux! Avec son gros doigt! Je te chatouille avec quoi? Avec mon gros doigt! Je te gratouille avec quoi? Avec ton gros doigt! Je te pointe avec quoi? Thank you. improvisation. Moi, j'aime les métaphores. Avec mon gros doigt. Je comprends mieux le monde. Avec mon gros doigt. À chaque fois que je vais voter. Avec mon gros doigt. C'est quoi qui est important? C'est mon gros doigt. Gros doigt. Chaladadabadab. Ça doit être à cause de toi que je chante ça. Ah, il est bon. Ah, t'es. Je tourne le globe terrestre. Hey, on fait-tu l'annonce de Dodge? Ah oui! Ah oui, ah oui! Faut que tu dises le nouveau Dodge Ram 350-88. Le nouveau. Ah, t'as tout fait les mouvements. Ouais, ouais. Attends pas là, ok. Le nouveau Dodge Ram 458. Parce qu'un ours polaire, ça va jamais t'aider à déménager. Parce que ta mère va jamais te payer une brosse dans un pick-up. La nouvelle F-Ford 150. Parce que la santé, c'est un mot. On s'en calisse! C'est quelle ta publicité préférée, toi, docteur? Pardon? C'est celle qui te touche, man! Ah ben je t'en prie, tout le monde aime ça, continue. Hey, en plus, cette bouteille-là, on va la vendre à l'encan demain. Les enchères sont levées. 25 cents pour la bouteille? Elle est chaude en plus, sérieux, elle est chaude. On peut graffiner la petite affiche aussi. De toute beauté. Est-ce qu'il y en a qui ont fait leur liste de cadeaux de Noël? Hein? Les gens dans un catalogue, comment ils sont contents? Je pense que c'est ça, un petit peu ça la magie de Noël, hein? C'est de devenir aussi content que les gens dans le catalogue. Puis Dr. V, tu me rends content. Puis on se touche même pas. Dieu soit loué, t'es en bédaine. Avec mon gros doigt. Mesdames et messieurs, encore une fois, applaudissez Dr. V. Ah, c'est Dr. V. Merci, docteur. Hey, tu vas passer une partie de la fin de semaine avec nous encore. Alors, ça sera pas trop long, Toto s'en vient. Mesdames et messieurs, une grosse main d'applaudissements pour Dr. V! Et oui, hein, vous allez pouvoir dire à vos petits-enfants que vous étiez là. Nous avons bel et bien vécu ensemble ce moment hideux, horrible. Ce moment qui me donne froid, moi, personnellement. Mais là, Godette, il est rendu avec une belle queue de rat, puis j'y ai touché, man. Ouais, à toi, ça fait... Je me fais couper les cheveux ici à tous les 3 mois. Ouais, à toi, ça t'arrive à tous les 3 mois. Eux autres, ils le vivent une fois, puis après ça, ils font des cauchemars pendant un an et demi. Ah, j'avoue qu'il y a plein de têtes que j'ai... Allô? Sur ce, mesdames et messieurs, est-ce que ça vous tente de danser? OK, non, mais on va revoir les émotions, OK? Quelque chose de le fun! Quelque chose de surprenant! Quelque chose de triste. Quelque chose de cute. Quelque chose de... on sait pas quoi. Non, c'est Dr. V. Ben, il y a une idée qui me dit... Moi, j'aime ça les réunions de prod pendant le show, j'adore ça. Je t'écoute. Oh, ça me va, hein, Chris. T'es-tu prêt? T'es-tu là? Le Sandman doit être tanné, mais... Non, je suis là. Excuse, parce que j'avais une belle mademoiselle ici qui prenait ma commande. Je m'excuse, Toto. On paye une bière! Hey, mesdames, messieurs, on y paye une bière et une main d'applaudissements, monsieur Yannick Lepal! Hey, Toto, on est à la 7e foire de l'absurde, hein? Ça, c'est indéniable. On n'a jamais été d'accord de même, tout le monde. On est à la 7e foire de l'absurde. Tu m'emprêtes-tu du cash live? Il m'en prend du cash live. Je suis en train de faire mes présentations. Il dit, toi, il te reste du cash? Il m'en reste en masse. Tu vas être sous d'ici de la fin. Yannick aussi, c'est une promesse. Oh yeah, baby. C'est correct, j'ai compris. Hey, sale toi. Il y a eu une excellente idée. On va chanter un jingle bien connu de Molson. Oui! Molson, salut les vrais. On va le chanter. Parce que, je sais pas, il est dedans, pis c'est à toi, ce guitare-là? Je me suis fait donner, mais... Elle? Attends. Oups, là, il y en a une qui est en feu. Sérieux, man. Toton, c'est ça ton surnom, Toton? Toto? Ça... Si je te disais que il y a une barmaid à Rouen qui m'a donné cette guitare-là gratuitement, man, pis elle est vraiment belle, là. Ouais. Pis je te disais qu'il y a une autre barmaid qui m'a donné... cette guitare-là à Rouen pis qui est vraiment belle, ouais. Je te dirais qu'ils sont les deux en plus. Okay. Là, c'est quoi tu veux? Qu'est-ce que tu veux, là? Pourquoi tu me comptes ça, aussi? Installe-toi, là, mesdames, bonsoir. Ça va bien? Hein? C'est l'Abitibi, c'est loin? J'espère que vous allez pas trop haïr Montréal. Alors, là, je vais te redonner ton micro, c'est le tien. Monsieur Dr. V. Tu fais ta part pour le pays. Ah oui! C'est comme ça que tu vis. T'es ceux qui bûchent, ceux qui bâtissent, pis t'as un gros pénis. T'es pas une bière faite à moitié. Qui t'a toujours voulu. Molson, salut les vrais. On est désolé. C'est quoi la mec pour dire? Il y a une autre annonce, 88. toi, tu te racontes pas d'histoire. Dans le feu de l'action, tu fais pas attention, que ce soit tes amis ou non. T'as pas une bière faite à moitié, c'est ce que t'as toujours voulu. Un, deux, trois, quatre. Monson, salut les vrais! On applaudit Dr. V!